Ici, on habite surtout pour les animaux en fait. On a les alpacas, les lamas et les moutons, quoi. Voilà, ça on a tout le temps, quoi. Ça on a, il nous a laissé notre ancêtre, voilà. Et donc, nous, ça veut dire que nous on habite à Tounia à 4420 mètres. Et après, on a notre village un plus bas à 4000 mètres. Là, il s'appelle Tuniavi. Tuniavi, c'est un plus grand, en fait, un village plus grand. Et donc là, on descend pour cultiver les pommes de terre, quinoa, et après aussi pour l'école. On a les collèges et l'école, en fait, parce qu'ici, à Tuni, nous n'avons pas. Quoi. Jaime et Gonzalo Quispe sont deux frères originaires de la Cordillère Royale. Tous les deux guides de montagne, ils aiment arpenter les glaciers et lagunes de la région avec des voyageurs friands de grands espaces et d'altitude. Le week-end dernier, je suis allée passer le week-end dans leur famille, dans le village de Tuni au pied de la Cordillère. Je n'y étais pas allée depuis février dernier, avant le confinement, et ça m'avait bien manqué. Ils m'ont raconté leur quotidien et comment ils ont vécu cette année. Nous, on était déjà accoutumés de travailler avec le tourisme, de faire les voyages, de voyager en trek, en 4x4, tout comme ça, quoi. Mais une fois que les quarantaines, cette maladie qui est arrivée ici, ça bloquait tout, quoi, en fait. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on a reculé, ça fait depuis 20 ans, quoi, en fait. Voilà, ça, c'était un peu dur pour nous, quoi. Voilà. Parce que ici, voilà, comme nous, on était accoutumés de travailler avec les touristes, donc on n'avait pas de touristes, rien du tout. Et donc, nous, on a resté avec les animaux, quoi. Voilà, on a cultivé les pommes de terre, un peu d'agriculture, comme toujours, et aussi avec les animaux, quoi. Voilà. Et donc, ça, on a vu qu'en fait. Mais ça veut dire que je ne suis pas ici grand-chose, voilà. Justement, qu'ils n'avaient pas de travail. Voilà. Mais après, nous, on a resté à la montagne. Comme nous, on habite ici à la campagne, ça veut dire on était fermés. Voilà. Nous n'avions pas d'accès pour aller à la Pâque, parce que toutes les voitures, les transports étaient tout bloqués. Et donc, mais ici, on a tout, quoi, en fait, voilà, pour manger, quoi, voilà. On a des animaux pour les viandes, comme nous, on cultive les pommes de terre, tout ça. Et donc, ça, c'est pour notre consommation, quoi, voilà. Et donc, avec toutes les nourritures locaux, on a resté, on a survécu. Jaime nous explique que leur quotidien n'a pas tant changé que ça, qu'ils ont fait un bond de 20 ans en arrière dans leur rythme de vie avec l'absence des voyageurs, et qu'ils vivent de leur plantation et de l'élevage de leurs animaux. La vie ici est pour moi à la fois rude et tranquille. On jongle avec le climat, l'altitude, le froid. Il faut s'imaginer une végétation aride, pas de verdure. Mais on est aussi seul au monde, entouré de tribus de lamas, alpagas et moutons, de lagunes et au pied d'immenses glaciers, dont celui de l'emblématique Huayna Potosí. Les grands espaces sont à nous, à condition de respecter les achachilas, esprits des montagnes, et la Pachamama, la terre-mère. On vit au rythme des plantations. La famille Quispe a commencé le confinement en mars dernier par la cueillette des pommes de terre. Ils ont aussi construit en début d'année une serre qui leur permet d'avoir toutes sortes d'herbes médicinales et aromatiques, mais aussi haricots, salades, fraises. À plus de 4000 mètres d'altitude, c'est assez inédit. On va aller voir tous les alpacas. Mmh. Et donc, comment on s'est dit, les alpacas, parfois, il y a une maladie, ou sinon, comment on s'est dit, Un parasite qui s'appelle Fasciola. Et cet parasite entre dans le cœur, voilà. Dans le cœur et dans la veine. Et donc, pour tuer facilement, quoi, en fait, un alpaca, quoi, en fait. Ok. Voilà, tout ça. Ouais. Et du coup, il y a un médicament? Oui, si possible, à acheter un vétérinaire. Ok. Et pour les traiter? Pour le traiter, voilà. Et ça arrive souvent, cette maladie? Eh oui, normalement, cette parasite existe un bofédal, nous on dit un marécage, où est-ce qu'il y a de l'eau, par là, quoi. Donc c'est assez courant qu'ils attrapent ça. Oui. On vit aussi au rythme des troupeaux. L'élevage de lamas, c'est du travail. Et parfois, les médicaments ne sont pas suffisants. J'ai d'ailleurs assisté à l'exécution d'un bébé lama qui est venu se poser près de la maison, souffrant, sa mère à ses côtés. Il semblerait qu'il soit né avec une malformation qui lui donnerait des problèmes d'estomac. Marisol a alors pris un couteau de cuisine pour l'achever, sous les yeux des enfants. C'est ça aussi la vie rude de l'altiplano. Elle avait le couteau de près, quoi. Ah, c'est ça. Il va cortar. Ah oui. Bien, bien. Qui ne peut pas agarrer. Non. Je crois que je vois. Tu regardes là, toi? Bah, en fait, c'est bizarre parce que j'ai. Moi, je ne peux pas. Non, non, moi, je peux pas. T'as vu? Non, non, j'ai pas vu, mais j'ai vu qu'elle elle essayait de couper et tout. Pobrecita. Lo que pasa es lo siguiente, para que comprendan. En las noches también los espíritus malos que llegan a la llama. On nous explique que ce n'est pas le premier de l'année qui meurt. C'est parce que les propriétaires n'ont pas fait d'offrande à la Pachamama pour protéger ses troupeaux du mauvais esprit qui ne partira pas tant qu'ils n'auront pas fait appel à un chaman appelé Yatiri ici. Porque no es el primer que... No es el primer, el año pasado ha muerto unos 20 y tantos. Ahora otra vez está empezando a morir, entonces yo les aconsejo de que de una vez que hagan esa ofrenda con un chamán. Jaime nous parle aussi de ses enfants, pour lesquels il est préoccupé et qui semblent être ceux qui souffrent le plus des confinements et de la situation. Alors, de mon fils Denis, voilà, il a fini l'année passée son étude, le collège, tout ça, et donc, voilà, en 2018, il a fini, en fait, l'année passée, voilà, il a entré en cure pour être guide de trek, voilà, et donc, il a fini ça aussi. Et donc, l'idée, c'était travailler comme guide de trek. Et donc, il a passé aussi un cours de français pour parler français. Et voilà. Comme cette année, voilà, il y avait ce problème avec cette maladie. Donc, cette année, voilà, il a resté à la maison. Quoi, voilà. Et donc, ma fille, voilà, elle étudie encore dans le collège. Et donc... Et cette année aussi, c'était compliqué, quoi, en fait, voilà. Depuis mars, ça fermait, et donc, les collèges, tout ça, et donc, ils n'allaient pas à l'école. Donc, il y avait un programme, pour passer les cours en somme. Online, et donc, ça, c'était difficile, parce qu'il y a chez moi, en bas, ça ne passe pas bien, les téléphones, quoi, en fait. Et quand ça commence les cours dans les lignes, et donc parfois ça coupe, voilà, et après pour capter de nouveau, et donc ça passait, voilà, donc ça c'est très compliqué pour elle. Et depuis, et ça passait un petit moment, à fin, voilà, on peut dire depuis août, septembre, voilà, donc ça diminue les maladies, donc il a allé à l'école... pour passer les cures semi-présentielles, en fait, voilà, deux fois à la semaine. Et donc, voilà, même pas, c'était pas suffisant pour apprendre, en fait. Voilà. Et tu parlais de ta deuxième fille, et qui est plus jeune, et qu'elle aussi, elle n'a pas pu aller à l'école. Oui, parce que ça, c'était pour toute la Bolivie, en fait. Voilà, et donc, il n'allait pas, quoi. C'était fermé, du coup, depuis mars jusqu'à maintenant. Comment ça se passe pour elle? Est-ce qu'elle a réussi à apprendre quand même? Je sais que tu me parlais de cours. Vous essayez quand même d'ouvrir l'école de temps en temps à Chunyavi? Oui, il a pris quand même un petit peu, hein, pas normal, quoi. Voilà, un petit peu, parce que c'était pas suffisant, deux fois les semaines, quoi, en fait. Donc vous avez réouvert l'école? Oui, ça, on a réouvert parce que C'est moi qui j'ai trouvé aussi des, comment ça s'appelle, tous les matériels pour la biosécurité. Et donc avec ça, voilà, on a contrôlé bien les élèves. Et donc c'est pour ça qu'on a passé semi-présentiel 2 fois la semaine. Pour tous les enfants de l'école de Tchouniavi. Oui, oui, oui. Ouais. Les Boliviens sont résilients. Ils rebondissent et s'adaptent. Les frères Quispe espèrent tout de même voir les voyageurs revenir pour partager un bout de leur quotidien sobre et heureux et recommencer à crapahuter dans les Andes. Nuevamente. Sí. Qué buena.